pouvoir dire. J'aimerais pouvoir dire que je marche en sifflotant pour me différencier de mes consorts qui squattent en sirotant. Mais tout n'est pas si facile, mes espoirs sont des fossiles que je n'ai jamais découverts dans cet esprit qui vacille. Te souviens-tu de ces diverses séries animées où les bons sortaient bien sans jamais se faire laminer? Te souviens-tu d'un respect toujours maintenu, d'un monde rêvé où l'homme est à l'aise peu importe où il se situe? Mais mec, réveille-toi, je sais je cours pour perpétuer la sauvegarde de mon toit. Au final je me dis que je m'en sort plutôt pas trop mal, ironie ma gueule, je déconne mes chèques sans purine patronale. Abatté par l'envie de fraîche, t'as vu comment c'est moche si à la fin du mois t'es dans la dèche. Voilà ce que tu te reproches, me suis fait baiser, écrasé, ridiculisé. J'ai eu le sentiment d'un Kleenex qu'on a trop utilisé. Ah merde, c'est chaud. Ah bah ça sent l'urine. À deux fois, vous me baisez un ton. Tirer la ouais, je connais la mère à quelqu'un, elle s'est des castors. Putain, je suis pas talent. Merde. Bravo, les gars. Rien, la foudre, je suis en mode révolte. Récolte ce que tu sèmes. La chienne de vie t'assomme car c'est qu'une cowgirl avec un colt. Mais tu sais, la vie est une chienne pleine de chiennes qui joue les tasses soumises, Katsumi, métissé, mes couilles en rêve. On parle de festival, estival, technival, où des extasheurs pas jouent les couilles en rêve. Esquivez-les, partie de ma vie où je me retrouve sur le front, c'est pas possible. Une bataille en sang, point 1, point 10, gravé sur le torse, la sueur sur le front. Ils visent à pas le réel, les bâtards. Et des traîtresses en détresse me font croire que la vie c'est vers Paléel. L'existence porte des potes, des boîtes, des potes. Une perte dans l'effectif, à chaque coup de pute, c'est bête. La vie est une chienne qui te crée des dettes. Waf, waf, la vie parle la langue des capots. Entre le vrai, le faux et le vrai. Famille, famine, mafia, ça rime. Canine, gamine, c'est pas les gens mais bien la vie qui déprime. Y'a plus de samaritain, le dernier est mort. A laissé place à Corpen Dallas. Bon sang, demande à Pesson. On a la flamme et la classe, mais l'avenir s'annonce mal. Y'a plus de samaritain, le dernier est mort. A laissé place à Corpen Dallas. Bon sang, demande à Pesson. On a la flamme et la classe, mais l'avenir s'annonce mal. Y'a des jours comme ça qui laissent toujours un goût amer, comme une arrière-pensée ressassée par le pouvoir de mes nerfs. Un fait passé, cassé, macéré dans l'injustice. De justesse, ça se tasse, mais au fond, y'a jamais de piste. Comme ce soir, on se disait qu'on pouvait rentrer pépère, là où l'obscurité se veut précoce, activée par l'hiver. Le temps de checker le crew, j'aurais dû ferrer la nausée à bon d'odeur qui empestait de rue voisine, casse-couille et sa bande, qui n'avait rien d'autre à faire qu'élaborer une stratégie pour foutre la pression à un man, pour voir s'il réagit. Comme le hasard fait mal les chose. Le gars qui passe, c'était moi, tentative d'intimidation. Tu passes au mauvais endroit, les oreilles dans le son. J'avais pas tout compris, en face à l'aine alcoolisée. Mon couteau, je l'ai pas pris, la situation dégénère. Il me demande du genre art, ça part très vite en couille. Scène maritime, scénar, solitaire, par dépit. Je finis couché sur le bitume, je me suis fait défoncer. C'était 5, ces fils de pute. Merde, putain, merde. Passe dans mes chaussures. Et des asticots dans ma soupe. Merde, putain, c'est le monde à l'envers là. J'en peux plus, putain. T'as vu mon yop? T'as vu René? Oh merde. Je suis en retard. C'est la 15ème fois que je paume les clés. Oh, je supporte plus, j'en peux plus. Je suis constipé. Mais c'est la vie. T'as ce qui paraît. J'aurais aimé. Vas-y, pas soin de chez Gore. Il a traîné la semelle. Un trou du cul, quoi. Un trou du cul. Voilà. Une dernière taf, c'est quoi? Ça te fait quoi? Oh merde! Putain, merde! Une taf. Juste une. Une taf.